Great change since I met God. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. Great change since I reggae. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. Do you like it? This side, they don't like it though. Since I met God. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. Again, great change. Great change since I met God. Great change since I met God. The things I used to do, I do them no more. The place I used to go, I go there no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. There's a great change since I met God. The things I used to do, the things I used to do, I do them no more. I used to go, I go there no more. The place I used to wear, I wear them no more. There's a great change since I met God. Great change. Great change since I met God. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. The boys I used to hug, I hug them no more. The girls I used to kiss, I kiss them no more. The drinks I used to drink, I drink them no more. There's a great change since I met God. You like the song? The boys I used to got. The boys I used to hug, I hug them no more. The girls I used to kiss, girls I used to kiss, I kiss them no more. The drinks I used to drink, I drink them no more. There's a great change since I met God. Great change, great change since I met God. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. The things I used to do, the things I used to do, I do them no more. The place I used to go, I go there no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. There's a great change since I met God. The girls I used to hug, the girls I used to hug, I hug them no more. The boys I used to kiss, I kiss them no more. The drinks I used to drink, I drink them no more. There's a great change since I met God. Do you like the song? Aimez-vous le song? Yeah, sometimes parfois we forget the change that are happening in our lives. Nous oublions les changements qui se passent dans Hallelujah. Nos vies. Amen. Yeah, there are a lot of changes that are coming to your life. Il y a beaucoup de changements qui sont venus dans ta vie depuis que tu as rencontré Dieu. Amen. Amen. Yeah, But tonight we are reminding ourselves. Mais aujourd'hui nous nous souvenons. So that we won't go back. Afin que nous ne retournions pas. Hallelujah. You won't go back. Don't go back. Ne retourne pas. Don't go back. Ne retourne pas. Hallelujah. Amen. Christ has saved us. Christ nous a sauvés. Changed us. Et il nous a changé. Amen. Amen. And as we confess, et alors que nous confessons, we will not go back. Nous n'allons pas retourner. Hallelujah. Amen. Because sometimes we feel like going back. Parce que parfois on veut repartir. Hallelujah. Amen. Amen. Let's sing again. Great change. Chantons encore. Great change since I'm gone. Great change since I'm gone. Great change since I'm gone. There's a great grace since I'm gone. Great change since I'm gone. Great grace. Everybody sing. There's a great grace. Everybody should dance. We are all dancing. We are all dancing. The things I used to do, I do them no more. The places I used to go, I go there no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. There's a great grace inside me, God. The girls I used to have, the boys I used to have, are you again? I have them no more. The girls I used to kiss, oh, I kiss them no more. The drinks I used to drink, I drink them no more. There's a great grace inside me, God. There's a great chance since I've been gone. The things I used to do, I do them no more. The place I went to go, I'm on there no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. There's a great change since I the girls I used to have. The girls I used to have, I have them no more. The boys I used to kiss, the boys I used to kiss, I kiss them no more. The dreams I used to dream, I dream them no more. It's a great, great since I've been gone. Are you happy? Êtes-vous content? Yeah. Mitchell. Hallelujah. Amen. Wow. There's a change. Il y a un changement. And there must be a change. Et il doit y avoir un changement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yeah. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. If you want to dance, we won't go today. Si nous devons danser, on ne va pas continuer. Hallelujah. Amen. But I'm happy. Mais je suis content. When I look at my life before. Quand je regarde à ma vie auparavant. There's a change. Il y a un changement. Hallelujah. Amen. And I don't want to go back. Et je ne veux pas repartir en arrière. Hallelujah. Amen. Yeah, tonight let's pray. Prions. Close your eyes. Father, in the name of Jesus, we want to commit our lives into your hands. Father, there's been a great change since we met the Lord. And Father, we are grateful. We are grateful. And Lord, those changes have come through your word. And tonight we are here again to hear your word. It's going to change us. It's going to bring a great change in our lives and change our life forever so that we can receive your blessing. In the name of Jesus. Father, bless everyone that has come tonight with your word. We give you all the glory in the name of Jesus. We pray against any evil spirit, any demon here who will try to prevent us from hearing the word, Lord, we cast him out in the name of Jesus. Father, we thank you. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Look at your neighbor. Regarde ton voisin. Say we are one body. Et nous sommes un seul corps. Even though I come from, mention your country's name. Même si je ne viens pas de ton pays. Even though I come from, we are still one body. Nous sommes toujours un seul corps. Hallelujah. Amen. Ah? Okay. Who is from Centrafrique here? Qui vient de la Centrafrique ici? He has left. He has left. Oh, okay. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, tonight we want to continue. Ce soir nous voulons continuer. Or finish with our subjects. Ou terminer notre sujet. On backsliding. Sur la rétrogradation. Hallelujah. Look at your neighbor. Regarde ton voisin. Say we are one body. Et nous sommes un seul corps. Even though I come from, mention your country's name. Même si je ne viens pas de ton pays. Even though I come from, we are still one body. Nous sommes toujours un seul corps. Hallelujah. Amen. Ah? Okay. Who is from Centrafrique here? Qui vient de la Centrafrique ici? He has left. He has left. Oh, okay. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, tonight we want to continue. Ce soir nous voulons continuer. Or finish with our subjects. Ou terminer notre sujet. on backsliding. Sur la rétrogradation. I'm sharing this. Je partage ça. Because we are tempted to backslide. Parce que nous sommes tentés de rétrograder. Yeah, we are tempted. Oui, nous sommes tentés. Hallelujah. Amen. The Bible says that the trees that have taken roots. La Bible dit que l'arbre qui s'est enraciné will not fall. Ne va pas tomber. Hallelujah. Amen. Will not fall. Ne va pas tomber. And you know that the trees go through a lot of seasons. Et vous savez, les arbres passent à travers plusieurs saisons. A lot of seasons. Plusieurs saisons. Dry season. La saison sèche. When it's not raining. Quand il ne pleut pas. The sun is hot. Le soleil est chaud. Hallelujah. Amen. The tree will not easily die. L'arbre ne va pas facilement mourir. Because there's a root. Parce qu'il y a une racine. Hallelujah. Amen. There's a root somewhere. Il y a une racine quelque part. Very deep. Très profonde. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And there's a time when there's rain. Il y a un temps où il pleut. Like this season. Comme cette saison. It's raining. Il pleut. When it's blowing. Le vent souffle. Hallelujah. Amen. Yeah. Other trees are falling. D'autres arbres tombent. But others don't fall. Et certains ne tombent pas. Difference between the two, et la différence entre les deux, is the deepness, c'est la profondeur of the roots, des racines. That makes some of the trees don't fall. Qui fait en sorte que certains arbres ne tombent pas. Fall easily. Mais d'autres tombent facilement. Hallelujah. Amen. And we are like that. Et nous sommes comme ça. Hallelujah. Amen. When the word is not taking roots, quand la parole ne s'enracine pas in our lives, dans nos vies, we easily fall. Nous tombons facilement. When there's a wind. Quand il y a un vent. When there's heat. Quand il y a la chaleur. When it's raining. Quand il pleut. Time is shining. Quand le soleil brille. When things have changed. Quand les choses ont changé. Hallelujah. Amen. Yeah. We feel it. Nous sentons cela. Hallelujah. We all feel the same season. Nous ressentons tous les mêmes saisons. We feel the effect of a season. Nous ressentons les effets de la saison. Hallelujah. But. Mais. The difference, la différence will be the roots, va être les racines that the word of God has taken in your life, que la parole a eu that dans will make ta you vie. Not fall. Ce qui va te faire que tu ne tombes pas. Hallelujah. Amen. From today, you will not fall. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas tomber. You will not fall. Tu ne vas pas tomber. You will not fall. Tu ne vas pas tomber. You will be rooted, tu seras enraciné grounded et implanté in love, dans la vie. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah, so this subject is very, very important. Donc ce sujet est très très important. Very, very important. Très très important. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? One of the causes of backsliding. L'une des causes de la rétrogradation. Foolishness. C'est la stupidité. Yeah, foolishness. La stupidité. Yeah. Foolishness. La stupidité. If you try to be foolish. Si tu essaies d'être stupide. You can easily fall. Tu peux facilement tomber. Hallelujah. Amen. Proverbe 28, verse 26. Proverbe 28, verset 26. He that trusteth in his own heart is a fool. Celui qui croit en son propre cœur est un fou. Okay, let's read it. Proverbe 26, 28, verse 26. Proverbe 28, verset 26. Hallelujah. Hallelujah. He that trusted in his own heart is a fool. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. But whosoever walketh wisely, mais celui qui marche dans la sagesse, shall be delivered, sera sauvé. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? If you trust in your own heart, si tu crois en ton propre cœur, if you think that you ask for you, you will not fall. Si tu penses que en ce qui te concerne, tu ne vas you pas can tomber. Easily fall. Tu peux facilement tomber. Hallelujah. Amen. Yeah. When you talk about foolishness, et quand nous parlons de la stupidité, it's for example when you know that. C'est par exemple quand tu sais que. If I stay with this friend, si je reste avec cet ami, I will steal. Je vais voler. I will drink. Je vais boire. If I follow him to this place, si je le suis à cet endroit, I would also drink alcohol. Je vais aussi boire de l'alcool. But you follow him. Mais tu le suis. Telling yourself in your heart. En te disant en ton cœur. That you will not fall. Que tu ne vas pas tomber. You are a fool. Tu es un stupide. Tu es un insensé. Yeah. You know me. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You say the bad company corrupt good manners. Nous disons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. And you know. Et tu le sais. We have told you. On te l'a dit. You have read the Bible. Tu as lu la It's Bible. It's in the Bible. C'est dans la Bible. But you tell yourself that no, this friend, I'll stay with a friend. Mais tu te dis non, cet ami, je vais rester you avec lui. You are a fool. Tu es un insensé. And you can fall. Et tu peux tomber. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Because a lot of you will tell you friend. Parce que plusieurs d'entre vous vous disent les amis. Mais toujours. Still this foolishness. Toujours, ça c'est la stupidité. Because they've told you that this thing is not good for you. Parce qu'on t'a dit que cette chose n'est pas bien pour toi. Si tu y vas, mais toi tu vas aller. Tu vas le faire. Hallelujah. Amen. Some of you, your girlfriends, boyfriends, they are not Christians. Certains d'entre vous, vos petits amis et petites copines ne sont pas chrétiens. And they say stop, but you won't stop. Et on te dit arrête, mais tu ne vas pas arrêter. Yeah, you fall. Tu vas tomber. Tu vas aussi tomber. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec that's moi? That's what we are talking about. C'est ce dont nous parlons. That you know that this thing. Que tu sais que cette chose. Told où on t'a dit that this thing. Que cette chose. Hallelujah. Amen. Don't carry your beloved on your lap. Ne porte pas ton beloved sur tes genoux. On lap. It's not your knees, oh. Lap. Sur tes cuisses. This is why it's called lap. Sur tes cuisses. Because when you put her on your lap, parce que quand tu la mets sur tes cuisses, you will have erection. Tu vas avoir une érection. But. Mais. You say that no, me, I'm strong. Tu te dis oh non, moi, je suis fort, je suis nothing fort. Will happen. Nothing rien will ne va happen. Se passer, rien ne va se passer. Yeah. Nothing will happen. Oh, rien ne va se passer. That, la Bible dit que you are a, que tu es un insensé. It's not me, oh, please, don't be angry ce n'est pas with moi, me. S'il vous plaît. Ne soyez pas fâché contre moi. Don't be angry with me, please. Ne soyez pas fâché contre moi, s'il vous plaît. Don't be angry with me, I beg. Ne soyez pas fâché contre moi, je vous en supplie. I beg. Alléluia. Yeah. That's what the Bible is saying. Tu crois en ton propre cœur. When the Bible has told you. Quand la Bible t'a dit. Yeah, those people they can easily fall away. Ces personnes peuvent facilement rétrograder. Yeah, they can easily backslide. Peuvent facilement rétrograder. Yeah, so stupidity is part of the causes of backsliding. Donc la stupidité fait partie des causes de la rétrogradation. Yeah. You're stupid. I mean, I tell you to do the red. See that this thing there's fire. Don't put your hand in the fire. On va te dire que ça c'est le feu. Ne mets pas ta main dans le feu. But you want to put your hand in the fire. Mais tu veux mettre ta main dans le feu. Yeah. It's like you don't understand. C'est comme si tu ne comprenais pas. Alléluia. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. First Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthians. 1 Corinthiens. Chapter 10. Chapitre 10. Okay, let's all go there and read it. Ouvrons tous. Today I finished preaching now. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verse 23. Verset 23. All things are lawful for me, mm-hmm. but all things are not expedient. Mm-hmm. All things are lawful for me, but all things are edified not. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Hallelujah. Amen. Yeah. Everything is allowed to tell permis or all things are expedient. Tout est permis. Yeah, because we will not come to your room. Parce que nous allons pas venir dans ta chambre. And tell you that don't watch the pornography. Et on va pas te dire ne regarde pas la pornographie. On ne va pas venir. All things are lawful. Toutes choses sont permis. I mean, nobody will come and say, okay, put off the TV. I mean, tu peux le faire. Personne va venir te dire éteins la télé. Nobody will come. Personne ne va venir. Because it's allowed. I mean, you can watch. Ah, mais tu peux regarder. But it does not edify. Mais ça ne t'édifie pas. Hallelujah. Okay. It's not expedient. Ce n'est pas utile. It's not beneficial. Ce n'est pas bénéfique. You will not get anything from it. Tu ne vas rien avoir de ça. You understand? Est-ce que vous comprenez? Everything is allowed. You can do. Go and drink. Yeah, tu veux boire, va boire. Nobody can okay, hold it and throw it away. No. Personne ne va venir attraper la bouteille et jeter ça. Nobody. Personne. It's allowed. It's free. You can buy. You have money. Libre. If you have money, you can buy. Si tu as l'argent, tu peux acheter. But it's not expedient. Mais c'est pas utile. Does not edify. Ça n'édifie pas. Yeah. Yeah. If you understand this verse. Si je comprends ce verset. It's good for you tonight. C'est très bien pour toi cette nuit. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So everything is allowed. Donc toute chose est permise. God will not come and, you know, strike you with a thunder. Dieu ne va pas venir te surprendre avec un tonnerre. Non. Yeah, but it does not edify. Mais ça n'édifie pas. Yeah. One of the things I realized recently. L'une des choses que j'ai réalisées récemment. Yeah. That people don't listen. C'est que les gens n'écoutent pas. Listen. Ils n'écoutent pas. We don't listen. Ils n'écoutent pas. We don't listen. Ils n'écoutent pas. Every time we preach, on va prêcher. Want more, want more, want more. Vous allez dire, on veut plus, on veut plus, But on veut plus. The little, mais même le peu, the little, le peu, we don't. Tu ne fais pas. And the Bible says it's foolishness and it's a cause. La Bible dit que c'est la stupidité. Et c'est une cause de la rétrogradation. C'est une cause. It's a cause. C'est une cause. You understand? Est-ce que vous comprenez? C'est une cause. Yeah. Can easily cause you to backslide. Ça peut facilement te faire rétrograder. Yeah. So let us be wise. Donc soyons sages. For those who receive instructions. Ceux qui reçoivent les instructions. And follow instructions. Et suivent ces instructions. They are the wise people. Ce sont les sages. Yeah, the wise people. Ce sont les sages. Hallelujah. Mm-hmm. Are you with me? Mm-hmm. Are you blessed? Êtes-vous béni? Then we are closing. Et on termine. Yeah, this thing is a whole blessing, oh. Yeah, cette chose c'est toute une bénédiction. It's a whole great blessing for c'est you. C'est une grande bénédiction pour toi. If you can obey this, si tu peux obéir and ça, follow this, et suivre ça, and you'll be delivered. Et tu seras délivré. A lot of things you'll be delivered. Tu seras délivré de beaucoup de choses. Yeah. Just tell yourself that everything is allowed, but dis-toi seulement que toute chose est permis. It's not useful for me. Mais toute chose n'est pas utile pour moi. So God, give me the grace to know which one. Donc Dieu, donne-moi la grâce de savoir lequel. Which one I should not. Lequel je ne dois pas permettre. Yeah. Because it's allowed. Parce que c'est permis. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So foolishness is a cause. Donc la stupidité, c'est une cause. Nous le voyons tout le temps. Nous voyons cela tout le temps. Tout le temps. Begin to listen to the word of God. Si on peut commencer à écouter la parole de Dieu. The little things. Et obéir les petites choses. You understand? Est-ce que vous comprenez? God will not tell you a great thing to do. Dieu ne va pas te demander de faire une grande chose. God will not tell you to do something that you can't do. Et Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Like it's difficult. No, it's not difficult. C'est pas If difficile. God has said it's possible. Si Dieu l'a dit, c'est possible. Hallelujah, you can do it. Tu peux le faire. Hallelujah. Amen. You can do it. Tu peux le faire. Yeah, you can do it. Tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So tonight. Donc ce soir. Tell yourself that I don't want to be foolish. Dis-toi, je ne veux pas être stupide. I don't want to be foolish. Je ne veux pas être stupide. In my own heart, I don't. In my own heart. Dans mon propre cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? He that trusted in, I don't want to trust in my own heart. Je ne veux pas croire en mon propre cœur. But I want to listen to God. Mais je veux écouter Dieu. And trust in God. Et faire confiance à Dieu. But don't trust in your own self. Et même pas croire en mon and propre cœur. And think that what you know is the best. Et penser que ce que tu connais c'est Hallelujah. Le meilleur. Hallelujah. He's saying, don't trust in your dit, own heart. Ne crois pas en ton trust propre cœur. Trust in the instruction. Crois en and in the word of God. Et en la parole de Dieu. Yeah, and you'll be a wise person. Et tu seras une personne sage. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, so don't be foolish. Donc ne sois pas stupide. Amen. Amen. And this is the last point I'm sharing on backsliding. C'est le dernier point que je partage sur la rétrogradation. So take it home. Donc prends cela à la maison. Hallelujah. Meditate on it. Médite dessus. Tell yourself that I don't want to be. Dis-toi, je ne veux pas être stupide. Je veux être sage. I want to be wise. Je veux être sage. And trust in God. Et croire en Dieu. Amen. Amen. Trust in God. Croire en Dieu. Trust in God. Croire en Dieu. Trust in God. Croire en Dieu. God will not ask you to do something that will not help you. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose qui ne va pas t'aider. He will ask you to do something that will destroy you. Il ne va pas te demander de faire quelque chose qui va te détruire. I will not ask you to do something that will destroy you. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose qui va te détruire. God will not ask something to destroy you. Dieu ne va pas demander quelque chose pour te détruire. Yeah. If he asks you to do something, it means that the thing is good for you. Si tu demandes de faire quelque chose, c'est que la chose est bien and pour so toi. And so that's where the trust comes in. Like, oh God, if God has asked, it means that it's good for me. Donc c'est où la confiance vient parce que tu te dis que si Dieu l'a dit, yeah. Ça veut dire que c'est bon pour you moi. You get it? Est-ce que vous comprenez? If God has asked, it means that there's something good in it. Alors ça veut dire que si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose de bon en cela. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Are you blessed? Are Êtes-vous you sure? Béni? Hallelujah. Amen. You know, we are all weak Christians. Vous savez, nous sommes tous faibles en tant que chrétiens. Yeah. That's why you don't need to trust in yourself. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de croire en toi-même. Yeah. We are not, don't overestimate your strength. Ne surestime pas ta force. like I'm strong. Que je suis fort. Yeah. You are zonal or you are shepherd. Tu es zonal ou tu es un berger. You've been here for 20 years. Tu as été ici pendant 20 ans. Charlie, you can also fall. Tu peux aussi tomber. Hallelujah. Amen. It's your trust in God. C'est ta confiance en that Dieu. Will keep you going. Qui va te garder toujours sur la route. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus, please stand up. Jésus, levez-vous. Close. Oh, you are not blessed. Vous êtes pas béni. Yeah. Hallelujah. Amen. Let's read this scripture. Proverbs chapter 14, verse 9. Proverbe chapitre 14, verset 9. Proverbe 14, verset 9. Proverbe 14, verset 9. Hallelujah. Amen. Let's read it before we go. Lisons cela avant de partir. Fools make a mock at sin, but among the righteous, there is favor. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Read it again. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah, the same thing. La Who's? Même chose. What a thing, you are playing with a thing. Tu joues avec la chose. Yeah. You are making mockery. You are laughing. You think that oh it's nothing. I mean. Tu te moques de la chose, tu Hallelujah. Te dis que c'est rien. Yeah, so take these three verses. Donc prenez ces trois versets. Meditate on them. Méditez dessus. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. Yeah. And tomorrow night. Et demain soir. We'll be here. Nous serons ici. Amen. Amen. To get some roots. Pour avoir des racines. Some foundations. Certaines fondations. Make us strong Christians. Qui vont nous faire des chrétiens forts. So don't miss. Donc ne manque pas. All of you come. Vous tous venez. Amen. Amen. And you'll be happy. Et vous serez content. Close your eyes. Fermez vos yeux. And pray. Et prie. I don't want to trust in my own self. Je ne veux pas croire en moi-même. I don't want to be a fool. Je ne veux pas être un stupide. I want to follow instructions. Je veux suivre les instructions. I want to trust in God. Je veux croire en Dieu. I want to trust in the word of God. Je veux croire en la parole de Dieu. I want to believe God. Je veux croire Dieu. If God has asked me, si Dieu m'a demandé, it means that it's good for me. C'est que c'est bon pour moi. And I want to obey. Et je veux obéir. In the name of Jesus, au nom pray de for Jésus, your prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Father, we bless you. Give it that grace. Give us the grace, Lord. Give us the grace. The grace to obey. The grace, la grâce to follow, pour obéir. La grâce de suivre. The grace to obey. La grâce d'obéir. The grace to listen. D'obéir. La grâce the d'écouter. The grace to follow. To la grâce follow de suivre. Instructions. Suivre les instructions. In the name of Jesus au nom Christ. De Jésus. What God has told me. Ce que Dieu m'a dit. God has told me. Dieu m'a dit. God has not told my friend. Dieu n'a pas dit à mon so ami. I won't listen to my friend. Donc je ne vais pas écouter mon ami. I will listen to God. Je vais écouter Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord help us. Seigneur aide-nous. Lord help us. Aide-nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father we bless you. If you are here tonight, si tu es ici ce soir, you are not born again. Tu n'es pas né de nouveau. You don't know if Jesus comes tonight. Tu ne sais pas si Jésus vient aujourd'hui. Whether you are ready to go into heaven si tu es or not. Prêt pour aller au ciel ou pas. But tonight you want to tell God, I want ce soir, tu veux to be dire born Dieu, again. Je veux être né de nouveau. I want to live a new life. Je veux vivre une nouvelle vie. I want to receive a new spirit. Je veux recevoir un nouveau esprit. I don't want to go to hell. Je ne veux pas aller en enfer. If you are here, lift up your hands. Si I want tu es to pray ici, for you. Lève ta main, je veux prier pour toi. Eyes closed. Les yeux fermés. Please. S'il vous plaît. Eyes closed. If les you are here, fermés. You want to receive Christ as your personal si savior. Tu es ici, tu veux recevoir Christ comme ton sauveur personnel. Come. Viens. Lift up your hands and come. Lève ta main et viens. Lift up your hands and come. Ta main et viens. God wants to save you. Dieu veut te sauver. You may not have this opportunity. Tu n'auras peut-être plus cette opportunité. God loves you. Dieu t'aime. No matter who you are. Quel que soit qui tu es. God wants to save you. Dieu veut te sauver. He wants to give you a new life. Il veut te donner une nouvelle Lift vie. Up your hands. Lève ta main. Father, in the name of Jesus, we want to bless you. We give you all the glory. We thank you in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. I'm sharing this. Je partage ça. Because we are tempted to backslide. Parce que nous sommes tentés de rétrograder. Yeah, we are tempted. Oui, nous sommes tentés. Hallelujah. Amen. The Bible says that the trees that have taken root. La Bible dit que l'arbre qui s'est enraciné